Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le Pizzagate, ou le succès invraisemblable d'une fake news des plus surprenantes pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Le scandale qui horrifie alors une partie de l'Amérique, le voici. Hillary Clinton serait à la tête d'un réseau pédophile dont le QG se trouverait dans la cave d'une pizzeria de Washington. C'est peu ou prou la théorie, complotiste évidemment, qui se diffuse sur Internet au cours du mois d'octobre 2016, après la publication par Wikileaks des mails de John Podesta, le directeur de campagne de la candidate Clinton. À l'origine de cette histoire délirante, des internautes, adeptes de conspirations en tout genre, mais aussi certains médias américains et des militants pro-Trump qui appartiennent à ce qu'on appelle l'alt-right, l'extrême droite américaine. Alors que les sondages annoncent un scrutin serré, ces derniers utilisent cette dernière cartouche, la pizza à la fake news, dont la recette est la suivante. Des rumeurs anciennes et des coïncidences farfelues, le tout parsemé de sources anonymes à la sauce réseaux sociaux. Notre invité aujourd'hui, Damien Leloup, journaliste à la rubrique Pixel du journal Le Monde. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En 2018, la commission d'enrichissement de la langue française rend publique la traduction officielle de fake news, infox, un néologisme plutôt bien vu. Pourtant, dans les médias comme dans nos discussions, c'est le terme anglais qui est souvent préféré. Ce qui peut se comprendre quand on sait que la fake news serait née en 2016 dans le monde anglo-saxon, entre le Brexit et l'élection présidentielle américaine, donc de mère britannique et de père américain. Et ce géniteur made in USA, évidemment, c'est Donald Trump. Là où le fake news, souvent produite par un site spécialisé dans l'information non vérifiée, voire carrément invraisemblable et multiforme. Il y a d'abord les pièges à clics, écrits par des têtes à claques. Toute une série d'articles au titre tapageur, info people, santé ou complotiste, publiés sur des plateformes parfois dirigées de l'étranger, par des entrepreneurs qui veulent avant tout gagner de l'argent. Il y a ensuite les fake news satiriques, des canulars à la façon de notre Gorafi national, parfois repris, c'est le problème, comme de véritables informations par des journalistes ou des hommes politiques peu consciencieux. Ainsi, pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, le site satirique Real News Right Now annonçait que 250 000 réfugiés syriens seraient accueillis dans les réserves indiennes de Standing Rock et de Navajo. Un chiffre utilisé, mais oui, par Donald Trump dans ses discours, une donnée pourtant erronée. Le président Obama a dit 3 000, puis c'est devenu 5 000, puis 10 000. Et maintenant, ce sont 250 000 personnes dont personne ne sait rien, si ce n'est que j'observe avec attention l'immigration. Ce sont de jeunes hommes forts. Je le demande, où sont les femmes? Où sont les enfants? Enfin, il y a les fake news publiées par des sites politiquement engagés dans le but assumé d'influencer l'opinion. Aux États-Unis, Breitbart News en est l'incarnation la plus parlante. Fondé par le polémiste d'extrême droite Andrew Breitbart, le site se met au service de Donald Trump pendant la campagne de 2016, avec des billets misogynes, racistes et antidémocrates. Il reste 2 mois avant qu'Obama ne donne le contrôle d'Internet au dictateur. Hillary Clinton soutient les frères musulmans ou encore « Il n'y a pas de sexisme dans la tech, ce sont les femmes qui sont nulles en entretien », titrait le site en 2016. Tout ça pour vous donner une idée de ce qu'on y dit. Ces articles, lus chaque mois par des millions d'Américains avant d'être relayés sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, renvoient bien souvent à des théories du complot plus anciennes comme les reptiliens. Oui, des reptiles humanoïdes gouverneraient notre planète quand ce ne sont pas les Illuminati, héritiers d'une société secrète allemande conspirationniste du XVIIe siècle, ou les francs-maçons ou encore les juifs qui tireraient toutes les ficelles. Avec les réseaux sociaux, l'information ne vient plus des médias traditionnels auxquels certains ne croient plus, donc d'en haut, mais d'en bas, de façon horizontale. le destinataire est désormais un relais de l'information. Et c'est satisfaisant parce qu'elle vient de quelqu'un qu'il connaît, un ami ou au moins virtuel. L'information confirme les idées politiques de celui qui la reçoit, tout en lui donnant le sentiment d'être un privilégié, l'un des premiers à savoir et à diffuser ce savoir. De partage en partage, de commentaire en commentaire, la fake news s'amplifie et la vérité se perd sans qu'on puisse évaluer de façon objective son influence sur le jeu politique. Fake news, complotisme, mais aussi leaks, hacking et fact-checking, autant de termes récents qui traduisent un rapport nouveau à l'information et à la vérité. Retour donc, pour l'illustrer, sur le Pizzagate, sur la désinformation à l'heure de la dernière présidentielle américaine. Elle vient de franchir une étape cruciale, la voici héritière désignée de Barack Obama. Moment festif, après un grand oral, sérieux, lucide. Hillary Clinton n'ignore pas la colère des Américains tentée par le vote en faveur de Donald Trump. Certains d'entre vous sont frustrés, même furieux. Et vous savez quoi ? Vous avez raison. Ça ne va pas comme il faudrait. Pas d'envolée lyrique, mais un appel à la confiance, à la solidarité pour conjurer le malaise de l'Amérique. Son slogan, plus fort si nous sommes ensemble. Hillary Clinton s'érige en rempart contre le danger que représenterait Donald Trump et sa vision anxiogène. Il veut que nous ayons peur de l'avenir et que nous ayons peur les uns des autres. Mais nous n'avons pas peur. Mardi 26 juillet 2016, Hillary Clinton, 68 ans, est officiellement la première femme à pouvoir espérer devenir présidente des États-Unis. Entre la démocrate et le républicain Donald Trump, commence alors un combat sans merci, dont personne ne peut alors prévoir l'issue avec assurance. Certes, Hillary Clinton n'est pas très populaire, elle n'est pas à l'aise en public, et surtout, on lui reproche d'appartenir à une classe politique à bout de souffle, qui n'a que trop gouverné. Mais le phénomène Donald Trump, homme d'affaires et présentateur télé, montre ses limites, lui aussi, et très vite. Ses déclarations provocatrices, homophobes, racistes et sexistes inquiètent une bonne partie de l'Amérique et du monde. Après l'attentat de San Bernardino en Californie, il veut interdire à tous les musulmans d'entrer sur le territoire américain s'il est élu le 8 novembre. Un raisonnement de gamin de 10 ans au relent nauséabond. Mais le sommet du scandale pour le candidat Trump, c'est cette vidéo rendue publique le 7 octobre 2016. La vidéo qui choque une partie de l'Amérique tourne en boucle depuis hier sur les chaînes info. Abondamment commentée et disséquée, elle montre Donald Trump qui descend en 2005 de ce bus. Il vient d'avoir une conversation avec ce présentateur télé. Enregistré à son insu, le milliardaire lui parle d'une femme. Je suis attiré par les belles femmes comme un aimant. Je les embrasse. Elles se laissent faire quand t'es une star. Tu peux faire ce que tu veux, même les attraper par la chatte. Malgré ses excuses publiques, Donald Trump est en très mauvaise posture. Son propre clan condamne son attitude et une partie de ses soutiens se retire, comme son colissier John McCain, bien trop intelligent pour rester dans ce marigot. D'autant qu'au même moment, plusieurs femmes l'accusent publiquement d'attouchement sexuel. Mais pour le candidat républicain, la campagne est loin d'être terminée, car en ce mois d'octobre 2016, aussi incroyable que cela puisse paraître face à tant de vulgarité, eh bien la roue va tourner. 11 jours avant le scrutin, le 28 octobre, le directeur du FBI, James Comey, annonce qu'il rouvre une affaire pourtant close en juillet. Hillary Clinton est accusée d'avoir mis en danger la sécurité nationale, oui, accusée pendant son mandat de secrétaire d'État d'avoir utilisé une adresse mail personnelle au lieu de la messagerie officielle de l'administration. Des centaines de mails classifiés auraient ainsi transité sans aucune protection. Et voilà la controverse qui change de camp. Et Donald Trump prend la balle au bon. Toujours en finesse, il le promet élu président. Il mettra Hillary Clinton en prison. Au même moment, une autre affaire bouscule la candidate du Parti démocrate par le biais de son directeur de campagne, John Podesta, dont la boîte mail a été piratée. Dans ses courriels, dévoilés au compte-gouttes par Wikileaks dès le 7 octobre, il y a cette révélation. Lorsqu'Hillary Clinton entre en scène en mars dernier pour débattre avec son rival de la primaire, personne n'imagine alors que les dés sont pipés. La chaîne CNN donne la parole à des habitants de Flint, une ville secouée par le scandale de l'eau contaminée au plomb. Je ne suis pas sûre de boire l'eau à nouveau. Si vous êtes élue présidente, que feriez-vous pour que j'aie confiance dans notre gouvernement ? La question de cette mère de famille semble spontanée, tout comme la réponse de la candidate. En fait, Hillary Clinton connaissait déjà la question grâce à cette dirigeante démocrate d'Anna Brasil, consultante pour CNN. La veille du débat, elle informe l'équipe de campagne de la candidate. De temps en temps, j'obtiens des questions à l'avance. Je peux vous en fournir d'autres. Aussitôt ces révélations connues, Donald Trump enfonce le clou. Imaginez si ça avait été moi qui avais fait ça. Qu'est-ce qui me serait arrivé ? La chaise électrique. Dans un autre mail publié par Wikileaks, un discours de la candidate démocrate destiné aux employés de la banque Goldman Sachs, en contradiction d'ailleurs avec ses positions officielles, Hillary Clinton caresse Wall Street dans le sens du poil et affirme soutenir le libre-échange. Selon les renseignements américains, c'est un groupe de hackers russes pro-Poutine appelé APT28 qui aurait transmis ses mails à Wikileaks dans le but de favoriser Trump. Ingérence russe ou pas, toujours est-il que les mails publiés par Wikileaks achèvent effectivement de ternir l'image d'Hillary Clinton, déjà peu flatteuse. Pour Trump, évidemment, c'est du pain béni. Hillary Clinton est calculatrice, hypocrite, malhonnête, tweet-il à n'en plus finir, quitte à transformer la vérité pour appuyer son propos. Les médias acquis à sa cause, Breitbart News, Fox News, le relais sans scrupules, secondés par une armée d'internautes virulents qui vont bientôt dépasser le maître en termes de désinformation. Des rumeurs font grand bruit à la police de New York. Les mails de Huma mèneraient à un réseau pédophile au centre duquel se trouverait Hillary Clinton. Hashtag GoHillary, hashtag PodestaEmail. C'est le tweet explosif, publié le 30 octobre 2016 par un certain David Goldberg, dont l'identité est invérifiable. Le message met en cause Huma Abedin, assistante d'Hillary Clinton et ex-femme d'Anthony Weiner, un homme politique américain, membre du Parti démocrate, alors accusé d'avoir échangé des contenus explicites avec une mineure de 15 ans, un homme connu pour ses mœurs légères. Mais aucune enquête pour pédophilie ne pèse sur lui, ni sur aucun proche d'Hillary Clinton d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, la course à la désinformation est lancée, prête à donner naissance à l'une des fake news les plus étonnantes qui soit et qu'on a appelé le Pizzagate. Connaissez-vous Reddit ? C'est une plateforme communautaire, à la fois forum et source d'informations en tout genre, troisième site le plus consulté aux États-Unis après Google et YouTube. Eh bien c'est là, dans ce qu'on appelle un subreddit, c'est-à-dire une sous-catégorie de forum, que des partisans de Donald Trump vont développer la théorie du Pizzagate. En examinant les mails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, dont les mails ont été publiés par Wikileaks, des internautes méticuleux et surtout pleins d'imagination vont relever plusieurs coïncidences qu'ils jugent suspectes. D'abord, John Podesta. Son frère, le collectionneur d'art Tony Podesta, mais aussi sa femme et leurs amis, utilisent beaucoup de termes liés à la cuisine italienne. Or, dans les tréfonds du web le plus noir, le Darknet, il arrive que cheese pizza, initiale CP, désigne la child pornography, autrement dit la pédopornographie. Les internautes pensent alors pouvoir décoder les mails de John Podesta et ils établissent même un lexique. Pizza vaudrait pour fille, domino pour domination, cheese pour petite fille, hot dog pour garçon, pasta pour petit garçon, sauce pour orgie. Extrait d'un documentaire d'une heure consacré au Pizzagate, réalisé par un internaute anonyme et visionné plus de 500 000 fois sur YouTube. Here's one. J'arrive en ville et j'apporterai des noisettes. Et voilà un autre email qui parle de sauce noisette. Qui peut bien parler de noisettes et de sauce dans ces emails? Des gens qui travaillent dans des sociétés spécialisées dans la noisette, j'imagine. Mais pas des politiciens. Je ferais mieux de jouer au domino sur du fromage plutôt que sur des pâtes. Cet email est très bizarre. Qui s'amuserait à jouer au domino sur du fromage ou sur des pâtes? Et pourquoi semble-t-il presque excité à l'idée de le faire? Si on interprète correctement ces codes, alors cet email devient très explicite et très malsain. Sur le forum Pizzagate de la plateforme Reddit, tout ce qui peut être analysé devient signe, indice, voire preuve. Et la plus parlante, ce sont les liens qu'entretient John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, avec James Alfantis, le gérant de la pizzeria Comet Ping Pong à Washington. Cet entrepreneur, ex-compagnon du journaliste David Brock, fondateur d'un site de désintox pro-démocrate, a organisé des soirées de levée de fonds pour Barack Obama, puis pour Hillary Clinton. Homosexuel, démocrate et donc pédophile, évidemment, pour les utilisateurs du forum Pizzagate sur Reddit. Pourtant, la base factuelle de cette accusation gravissime est mince, très mince. Le logo de la pizzeria, de raquettes de ping-pong croisées, pense savoir les internautes, renverrait un symbole reconnu par le FBI comme explicitement pédophile, un papillon. D'ailleurs, soulignent ces mêmes internautes, d'autres commerces de la Connecticut Avenue reprennent des symboles pédopornographiques avérés, un escargot, un triangle, un cœur. Tiens donc, et si les commerces étaient reliés entre eux par des tunnels, se demande cet internaute sur YouTube. Ce n'est pas un secret qu'il existe un réseau de tunnels souterrains sous Washington. Je le mentionne à cause de cette interview où James affirme qu'il n'y a pas de sous-sol au Comet Ping Pong. Dans un autre article, il avait pourtant déclaré « Nous cultivons des plants de tomates organiques, 10 tonnes de conserves chaque année que nous entreposons dans le sous-sol. » Je ne vois pas l'intérêt de mentir sur l'existence ou non d'un sous-sol, à moins que quelque chose y soit caché. Et ce n'est pas tout. D'autres coïncidences viennent conforter la théorie des internautes. Les portraits robots de l'affaire Madeleine McCann, cette petite Britannique enlevée au Portugal en 2007, ressemblent vaguement à John et à son frère Tony Podesta. Et le nom du propriétaire de la pizzeria, James Alfantis, ne sonne-t-il pas comme « j'aime les enfants » en français ? Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Des signes, toujours des signes, encore des signes. La pizzeria Comet Ping Pong serait donc le QG d'un vaste réseau pédophile au sein du Parti démocrate. Aussi improbable que cela puisse paraître, la fake news va bientôt dépasser le petit cercle des forums anonymes. And I want lots of money. I don't care about clever. I don't care about funny. I want loads of clothes. And I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off. And it will be shameless. Cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun. And I'll look in the mirror. I'm on the right track. Yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Début novembre 2016, les modérateurs de la plateforme Reddit ferment le forum Pizzagate, alors suivi à ce moment-là par près de 20 000 personnes. Mais la communauté se reforme bientôt sur Vault, un autre site communautaire qui se targue de ne rien censurer. Surtout, la théorie se déplace vers des réseaux grand public, Facebook et YouTube en tête. Sur Twitter, le hashtag Pizzagate fait son apparition remarquée, tandis que des sites de désinformation, parfois financés par des fonds d'investissement pro-Trump, commencent à relayer l'intox en masse. Et c'est grâce à tout ce beau monde, pollueur d'infos et d'esprit, que la théorie du Pizzagate va prendre son envol à force de clics, de commentaires et de partages sur Facebook. Parmi les médias relais de cette fake news anti-Clinton, des sites politiquement ultra-conservateurs, pro-Trump donc, et conspirationnistes, l'un des plus virulents et les plus influents, InfoWars, a été créé au début des années 2000 par Alex Jones, animateur d'une émission diffusée sur sa chaîne YouTube, qui cumulait alors 1 milliard de vues avant d'être fermé par la plateforme. L'homme à la barre haute, militant actif du mouvement du Tea Party, adepte d'un libéralisme économique radical, anime des meetings de soutien en faveur de Donald Trump, qu'il a d'ailleurs reçu dans son show. Et c'est surtout un complotiste avéré qui divise son temps d'antenne entre la promotion des produits vitalisants qu'il vend sur son site et la diffusion de fake news, genre « l'eau courante a été contaminée par Obama avec des produits chimiques qui rendent stériles » ou encore « les 20 petits cadavres filmés après la fusillade de l'école primaire Sandy Hook en 2012 sont des acteurs payés par les lobbies anti-armes ». Et pour parler réseau pédophile, Alex Jones invite le pseudo-expert Robert David Steele, qui se présente comme un ancien agent secret. Selon lui, la NASA kidnapperait des enfants pour les envoyer sur Mars et les réduire en esclavage sexuel. Et sans rire, il explique... Ces réseaux pédophiles terrorisent les enfants. Ils analysent leur sang, puis les tuent pour prendre leur moelle osseuse. Et enfin... Attendez, vous voulez dire pour prendre l'hormone de croissance ? Oui, un antidote anti-âge. Et le Pizzagate, pour moi, c'est un événement majeur. Le langage codé, les enfants invités à des fêtes avec John Podesta, tout cela est très, très malsain. Il y a beaucoup de preuves, beaucoup. Mais les gens doivent maintenant comprendre que tout ça relève de rituels satanistes où on tue des enfants, on boit leur sang. C'est ce qu'il faut dévoiler, je ne suis qu'un émissaire. Pédophilie et satanisme, ce sont là des accusations qui ne datent pas du Pizzagate et qu'on a souvent associées. Car le propre des fake news, c'est de s'agréger à des rumeurs et à des théories plus anciennes. Nouvel ordre mondial, extraterrestres et reptiliens, francs-maçons et illuminati, complot juif, complot lépreux au Moyen-Âge, le complotisme a toujours existé et il pose aujourd'hui les fondations du fake news. Le 4 novembre 2016, 4 jours avant l'élection présidentielle américaine, le journaliste de Fox News, Sean Hannity, écrivait sur Twitter « Des emails qui ont fuité semblent indiquer que John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, est lié à un rituel bizarre et occulte. » Il s'agit en fait d'un dîner organisé par l'artiste d'origine serbe Marina Abramović, auquel John Podesta et son frère Tony, collectionneur d'art, sont invités. Spirit Cooking, dit l'artiste dans son mail, en référence à une performance artistique de 1997 où elle écrivait cette recette sur un mur en Italie avec du sang de porc, mélangé du lait maternel et du lait de sperme frais, dégusté la nuit quand la terre tremble. Le Washington Post dément alors dans un article intitulé « Non, John Podesta n'a pas bu de liquide corporel pendant un dîner satanique secret ». Le New York Times, ou encore le site Fact-Checking Snopes, équivalent des décodeurs du monde, et même Fox News, démontrent tour à tour que le Pizzagate n'est qu'une rumeur sans fondement. Et pourtant, ces enquêtes journalistiques précises, factuelles, n'arrêtent pas la rumeur. Au contraire, si les médias officiels, de mèche avec le pouvoir, disent que c'est faux, c'est que c'est vrai. Voilà le raisonnement rapide des complotistes adossé à un principe qui n'est pourtant pas science exacte et qui dit « une rumeur plus un démenti égale une info ». Il y a 3 semaines, on le disait fini, perdant, après la diffusion de propos machistes et vulgaires. Mais Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Galvanisé par le scandale des emails qui frappe Hillary Clinton, lui qui fait campagne contre les élites qu'il décrit corrompues, jubile. Je veux que tout l'establishment corrompu de Washington écoute bien et fasse attention aux mots que nous allons dire. Pas moi, nous tous. Quand nous gagnerons le 8 novembre, nous irons à Washington et nous allons nettoyer le marécage. Le scandale des emails classifiés que la secrétaire d'État Hillary Clinton a envoyé via sa messagerie privée, bien c'en est trop pour une partie des Américains. D'autant que WikiLeaks continue de divulguer au compte-gouttes les mails de John Podesta, son directeur de campagne. Non seulement ces courriels nourrissent des fake news comme le Pizzagate, mais ils rappellent que la candidate démocrate est un homme politique comme les autres, finalement calculatrice quand il faut. Hillary Clinton, dont le nom est déjà rattaché à des affaires plus anciennes, Whitewater, Travelgate, Monica Lewinsky, est en mauvaise posture. À 7 jours du scrutin, les sondages donnent Donald Trump gagnant. La dernière semaine de campagne est extrêmement tendue. Les candidats multiplient les attaques et les invectives avec une violence rarement atteinte. Jusqu'à ce 8 novembre 2016, plus de 240 millions d'électeurs sont appelés à choisir celle ou celui qui sera le ou la 45e ou le 45e président des États-Unis. Les chiffres arrivent, petit à petit, état par état. Et au milieu de la nuit, les premières estimations tombent. Hillary Clinton devance Donald Trump de plus de 3 millions de voix. Mais les électeurs américains s'expriment de manière indirecte, par l'intermédiaire de grands électeurs qui eux-mêmes votent pour un candidat. Or, le républicain a convaincu 304 grands électeurs contre 227 pour son adversaire. Donald Trump est donc élu président des États-Unis. Pour certains observateurs, la victoire déconcertante de Trump, c'est la victoire des fake news et des médias de l'alt-right, l'extrême droite conservatrice et raciste américaine. InfoWars, la plateforme d'Alex Jones, mais aussi Breitbart News, dont le président Steve Bannon est nommé premier conseiller du président tout juste élu, Hillary Clinton elle-même le regrette, sa défaite, c'est celle de la vérité. And one of these really, I consider, evil people. Ces gens malfaisants dans le monde des médias, sur Internet, ont inventé cette histoire selon laquelle John Podesta et moi dirigeons un réseau pédophile dans le sous-sol d'une pizzeria. Si vous mettez cette histoire sur Facebook et sur des sites d'infos, des gens vont y croire. Mon Dieu, Hillary Clinton et son directeur de campagne font ce genre de choses, ils devraient aller en prison. Je ne peux pas voter pour eux. C'est le pire exemple, mais il y en a plein d'autres. Détestation des journalistes que Donald Trump conspue régulièrement et publiquement. Incapacité des médias traditionnels à couvrir la campagne, le constat est clair. L'élection de 2016 a bouleversé le rapport des Américains à l'information. Et la question se pose, au lendemain de la défaite d'Hillary Clinton, tous les citoyens y ont-ils vraiment accès à l'information? Quand le New York Times démonte point par point le Pizzagate, l'article passe-t-il sur les murs Facebook des lecteurs d'Infowars? Les réseaux sociaux dont les algorithmes font remonter les articles qui vous plairont d'office n'ont-ils pas fermé une partie du pays dans une bulle où la fake news est reine? Dans les semaines qui suivent l'élection américaine, l'affaire du Pizzagate, loin de faire pchit, prend un tour nouveau. Comme galvanisée par la victoire de son candidat, la fine fleur du complotisme pro-Trump s'adonne à l'une de ses activités favorites, le harcèlement en ligne. Invité par Megyn Kelly, animatrice phare de Fox News, James Alfontis, le propriétaire de la pizza Comète Ping-Pong, se confie. Ça fait plus d'un mois que des menaces de mort me sont adressées quotidiennement. des centaines d'appels téléphoniques au restaurant demandant toutes sortes de choses insensées, comme commander une pizza au fromage. Mais ce que nous faisons, nous sommes une pizzeria. Une pizzeria familiale, nous existons depuis 10 ans. C'est donc difficile et choquant. Notre communauté, heureusement, nous a aidés à tenir. Il y a toujours des familles et des enfants qui viennent. Mais nous avons dû embaucher un service de sécurité. Nous essayons de faire en sorte que le personnel se sente en sécurité et que nos clients se sentent en sécurité. Qu'est-ce qui doit changer ? Je pense qu'il doit y avoir un moyen de mettre fin à tout ça. C'est impossible que l'intox puisse passer d'une personne à l'autre comme ça, que ça devienne une théorie du complot sans qu'on ne puisse rien faire. Tout au long du mois de novembre, avant et après l'élection de Donald Trump, James Alfontis et les employés de la pizzeria Comet Ping Pong reçoivent des menaces sur les réseaux sociaux, mais aussi par téléphone. Car l'identité de certains salariés a été révélée par des internautes, qui diffusent également des photos de leur famille. Des photos d'enfants, souvent trouvées sur Instagram et sur la page Facebook du restaurant, prouveraient l'existence d'un trafic. Une fillette, les mains scotchées à une table, un bébé dans un panier de course, un enfant avec une liasse de billets à la main. Des clichés qui expriment de façon assez évidente l'humour très spécial du propriétaire de Comet Ping Pong. James Alfontis et ses employés, harcelés quotidiennement, sont épuisés. D'autant que des enquêteurs autoproclamés se présentent régulièrement à la pizzeria pour filmer les lieux. Et Alfontis n'est pas au bout de ses peines. Il ne le sait pas encore, mais la fake news va bientôt franchir les limites du virtuel. Edgar Welch, originaire de Caroline du Nord, a été arrêté par la police après une fusillade dans une pizzeria de Washington. Welch a expliqué avoir voulu révéler la vérité quant à une rumeur de pédophilie diffusée sur Internet. Il a pointé son arme sur un employé avant de tirer dans le restaurant. Ce 4 décembre 2016, la pizzeria Comet Ping Pong est remplie de familles et d'enfants. Par chance, le fusil d'assaut d'Edgar Welch, 28 ans, ne touche personne, et le jeune homme se rend sans résister, contraint de reconnaître que la pizzeria n'est rien d'autre qu'une pizzeria. Pour certains complotistes et autres partisans du Pizzagate, Welch, condamné à 4 ans de prison, est un acteur, oui, un acteur payé par les démocrates dans le but de mettre un terme à cette affaire. Et malgré la fusillade, la rumeur continue aujourd'hui encore de se répandre sur Internet. En janvier 2017, un mois après la fusillade heureusement ratée du Comet Ping Pong, Karine Conway, conseillère de Trump, invente ce concept, les faits alternatifs. Non, explique-t-elle, les chiffres de participation à la cérémonie d'investiture de Trump, gonflés par la Maison Blanche, ce n'est pas une fake news, mais un fait alternatif. Une expression qui dit les libertés que l'Amérique trumpiste prend avec le réel. Au point qu'on parle désormais, pour désigner cette culture politique qui privilégie l'émotion plutôt que l'information, d'ère de la post-vérité. Un phénomène qui ne concerne pas seulement les États-Unis. En France, les sites de désinformation d'extrême droite, anti-immigration et complotistes pullulent également. Parfois plus ou moins directement financés par les mêmes investisseurs que ceux qui sévissent outre-Atlantique. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. Slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Pizzagate et beaucoup plus largement l'affaire et la calamité des fake news. On va en parler avec notre invité Damien Leloup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rubrique Pixel du journal Le Monde. Alors, une info d'abord, elle est importante. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui avait révélé au grand jour les documents secrets sur les États-Unis en Irak et en Afghanistan, et dont Trump a essayé de se servir aussi dans l'histoire qu'on a racontée, a été arrêté par la police londonienne, donc à Londres, dans les locaux d'ambassade d'Équateur, où il était réfugié depuis 2012. L'Équateur, ce pays, a en effet décidé de lui retirer sa protection et sa nationalité équatorienne. Alors, Julian Assange est apparu très très vieilli, fatigué, cheveux gris et barbe blanche. Ses soutiens craignent désormais une extradition vers les États-Unis. Damien Leloup, c'est un risque réel. C'est extrêmement probable à l'heure où nous parlons, puisqu'il y a une demande officielle qui a effectivement été transmise aux autorités britanniques. Et le Royaume-Uni extrade très facilement vers les États-Unis, parce qu'ils ont des accords d'extradition qui sont très anciens, y compris ses propres ressortissants. Donc, dans le cas d'un ressortissant étranger, les chances pour Julian Assange d'arriver à bloquer cette extradition sont assez faibles. Alors revenons, et même venons-en au cœur de notre sujet, les fake news. Soyons honnêtes quand même, et on va évacuer ça tout de suite. Si les fake news font des dégâts, nous, publics, nous sommes aussi responsables, si nous y croyons. Parce que quand on nous dit, par exemple, qu'on va envoyer des gamins sur Mars, c'est quand même, quand on a un cerveau normalement constitué, on s'est dit, ouh, il y a un loup quand même. Le seul critère qui permet de dire à l'avance si une théorie conspirationniste va fonctionner, c'est de se demander s'il y a des gens qui vont avoir envie d'y croire. À partir du moment où vous avez envie de croire à quelque chose, c'est très facile c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire d'évacuer tous les éléments de preuve qui vont pas dans le sens qu'ils soient rationnels ou moins d'ailleurs. Oui, et donc, du coup, on peut assez facilement se retrouver à croire des choses totalement invraisemblables parce que, dans le fond, on a très envie que ça soit vrai. Alors, on va écouter une archive d'emblée qui vous rappellera peut-être à la fois le Pizzagate et les rumeurs récentes concernant des enlèvements d'enfants par des Roms, là, en France. À la veille de l'élection présidentielle de 1969, ça remonte, la même rumeur, mais concernant d'autres populations, mais sur le même principe, courait, et c'était à Orléans. Dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1969, un bruit commence à circuler. Trois femmes ligotées et droguées auraient été découvertes dans la cave d'un magasin de confection. D'autres femmes auraient été endormies en se piquant avec des aiguilles cachées dans des talons de chaussures. La rumeur affirme, c'est grave, il y a à Orléans un réseau de traite des blanches. Ce genre d'histoire circulait depuis quelques années dans plusieurs villes de France. Plusieurs femmes, dit-on, auraient déjà disparu de plusieurs magasins, transportées par de mystérieux souterrains jusqu'à la Loire où attend un sous-marin. Les commerçants trafiquants, dit alors la rumeur, sont tous des juifs. Et d'ailleurs, tous les juifs de la ville sont dans le coup. L'affaire devient une véritable campagne antisémite. Et voilà. Et si on est antisémite, on veut croire à cette histoire, à dormir debout. Qu'est-ce que ça montre? Ça veut bien que les fake news, c'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et ça montre aussi quelque chose de très intéressant que vous expliquiez en partie tout à l'heure. C'est que ces théories du complot, elles naissent pas du tout dans un vide. Elles sont effectivement en général un décalque modernisé de quelque chose qui a existé avant. Donc l'affaire du Pizzagate, quand on regarde le fond de l'histoire, c'est une histoire de réseau pédophile alimenté par des puissants à Washington. Et en fait, ce qu'on a oublié, c'est que dans les années 1980, il y a déjà eu une histoire similaire aux États-Unis. En Californie, dans une garderie qui fait aussi crèche, un enfant se plaint à sa mère d'avoir été touché par un des soignants. Et L'enquête fait tout de suite boule de neige. En quelques mois, on se retrouve avec plusieurs centaines de personnes qui sont accusées de participer à un réseau pédopornographique avec des orgies satanistes et exactement le même genre de délire qu'on a retrouvé dans le cas du Pizzagate. Et il faudra plusieurs années pour que l'enquête montre que toutes les personnes mises en cause étaient innocentes. Alors, que pensez-vous de ce concept nouveau, apparemment, de la post-vérité, des faits alternatifs? Pas facile à comprendre. Non, mais la définition que vous donniez, à savoir des informations où c'est l'émotion qui prend le pas sur l'information, ça c'est quelque chose d'effectivement très intéressant et d'assez moderne. Alors, encore une fois, c'est pas les réseaux sociaux non plus qui ont inventé ça, la primauté donnée à l'information. Si vous lisez la presse de Ganivo britannique, vous pouvez voir assez facilement que c'est l'émotion qui prime souvent sur l'information. Sur certaines chaînes de télévision, c'est exactement le même cas. Mais les réseaux sociaux sont des machines qui sont faites pour donner de la puissance à l'émotion. Donc on réagit, on commente, on partage beaucoup plus facilement quelque chose qui nous émeut, quelque chose qui nous fait peur, plus rarement quelque chose qui nous fait sourire. Et donc du coup, ce sont des machines extrêmement puissantes à amplifier, diffuser et parfois transformer quasiment en armes des informations qui n'ont aucune base factuelle. Alors l'infox, plutôt que fake news, je le disais tout à l'heure que c'était assez habile, infox, hein, comme on dit en français, trouve un terrain privilégié, j'imagine, en temps de campagne électorale. Les européennes se rapprochent, faut-il craindre les infox plus encore que dans d'autres périodes? Alors oui, parce que tous les moments où la vie politique ou la vie publique de façon plus générale se retrouve très polarisée, plus on va avoir envie de croire des choses sur le camp d'en face en général, et plus on peut avoir tendance à partager parfois de bonne foi des choses qui sont fausses. Donc c'est vrai que toutes les périodes de campagne y sont assez propices. Les européennes, elles ont cette particularité que la campagne est d'ailleurs très tardivement, elle est en général très courte, donc c'est beaucoup moins visible que dans le cadre d'une élection présidentielle où la campagne dure quasiment un an, par exemple. Mmh. Et là, il y a un facteur un petit peu de complexité supplémentaire qui est la situation au Royaume-Uni, où depuis 3 ans maintenant, il y a un déluge d'échanges d'infox autour du Brexit qui risque aussi de s'amplifier vu la situation actuelle autour de la prolongation des délais, etc. On a eu des infox pendant la campagne présidentielle française, avec des accusations d'infox venues de Russie contre Emmanuel Macron, il y a eu ça. Tout à fait, alors, il y a eu la principale, ça a été ce document qui a été publié en ligne, qui se présentait comme la preuve qu'Emmanuel Macron détenait un compte secret dans les îles Caïmans, voilà. Donc qui était un faux grossier en fait, mais qui a quand même été diffusé une semaine avant l'élection et qui a beaucoup tourné. Et donc c'est un peu ce que montre aussi l'histoire du Pizzagate, c'est que si un candidat ou une candidate se retrouve dans la position où il ou elle doit démentir quelque chose qui est totalement faux, c'est quand même une victoire pour ses adversaires, puisque ça instille toujours la graine du doute. Il restera toujours quelque chose de ça. Et qu'est-ce qu'on en fait, nous, les journalistes? Parce que ça nous pose un sacré problème. Les journalistes ont peur, parfois, de louper le train, hein, de ne pas donner l'info et de faire ce qu'on appelle un ratage. C'est une espèce de peur qu'on a toujours, et on ne devrait pas avoir peur de ça, d'ailleurs, parce que ça amène parfois des dérapages. Enfin bon, je reviens au sujet. Nous sommes journalistes et on voit une information qui est peut-être une infox, c'est pas une info, mais si jamais c'était une info, comment on se positionne? C'est difficile. Alors, heureusement, il existe des filtres maintenant, une communauté internationale de journalistes. Heureusement, ça s'est structuré, mais ça reste difficile. Tout à fait, et c'est ce que vous disiez, c'est à partir de quel moment on en parle ou on fait le choix définitif de ne pas en parler. C'est ça le plus compliqué. Nous, la politique qu'on applique de façon générale, c'est à partir du moment... Au journal Le Monde, où on a une certitude sur la véracité ou l'absence de véracité de l'information, on en parle. Tant qu'on a un doute, qu'on n'est pas certain, on ne publie pas. Donc est-ce qu'on peut dire que ces infox, on va dire fake news, parce que c'était aux États-Unis, ont pesé véritablement, réellement, sur le résultat de l'élection, que Trump a été aussi élu grâce, je dis bien, également élu grâce aux fake news et pas que aux fake news? Oui, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. C'est-à-dire que je pense pas que des militants démocrates, en voyant des informations fausses ou en lisant des articles sur le Pizzagate, se soient dit « ma candidate est un monstre et je vais aller voter pour Donald Trump ». Par contre, il y a eu un impact... Vous me rassurez. Voilà. Il y a un impact qui est tangible et qui est assez mesurable, qui est l'agenda setting. C'est-à-dire que tout le temps d'antenne qui a été consacré sur CNN, sur Fox News, à propager ou à démonter des théories conspirationnistes sur Hillary Clinton, c'est du temps d'antenne pour Trump, quelque part. Ah oui. Ou en tout cas, ou en tout cas du temps d'antenne qui ne bénéficie pas à la candidate. Donc ça, ça a eu un vrai impact sur le déroulé de la campagne et du coup indirectement sur l'élection aussi. Alors la toxicité des infox, elle est partout. Elle est en France. Selon un article du Point publié en février dernier, Emmanuel Macron considérerait évidemment conditionnel que les Gilets jaunes sont conseillés par des médias étrangers, à savoir des médias russes. Alors on va écouter la réaction à l'Assemblée nationale de la députée de la France insoumise, Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, les Russes, les Russes, les Russes. Le président les voit derrière les gilets jaunes, il les voit manipuler toutes les élections. Derrière chaque opposant, il voit les Russes. Mais les Russes à l'Élysée, il ne les voit pas. Macron n'a pas vu que son protégé Alexandre Benalla avait négocié dans son palais un contrat de sécurité avec deux milliardaires proches de Vladimir Poutine, au lien obscur avec la mafia. Notre président a le complotisme mal placé. Il voit une conspiration dans la rue, alors que la Russie est apparemment bien introduite dans les salons de l'Élysée. Les Russes, nouveaux reptiliens. On les met à toutes les sauces. Hein. Alors dans certains cas, oui. Alors pour le coup, dans l'exemple que vous citez sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est assez clair qu'on n'est pas devant une campagne d'influence étrangère comme celle qu'on a pu observer en 2016 aux États-Unis. Ou alors clairement avec Monsieur Di Maio oui, en Italie, qui pousse à la roue effectivement. Mais c'est pas du fake news, c'est pas de l'infox. Pour le coup, c'est de l'info parce qu'on l'a vu. Tout à fait. Et dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, c'est relativement clair. Facebook a mené sa propre enquête interne. Sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait pas de manipulation malhonnête de leur plateforme. Les propres services de renseignement français, si on en croit le Canard Enchaîné, ont fait le même constat. Par contre, ce qui est certain, c'est que Rochette Today France couvre très largement ce mouvement avec une certaine sympathie ou un certain affect, et que auprès du mouvement des Gilets jaunes, Rochette Today est une chaîne très populaire. Ces journalistes sont bien accueillis sur les ronds-points et dans les manifestations, et les gens qui manifestent disent ou regardent beaucoup Rochette Today aussi. Alors, tout ce qui vient, enfin souvent, ce qui vient des États-Unis, du vent d'Ouest, est un vent d'argent. Hein. Il y a les fake news produites pour des raisons idéologiques et d'autres qui servent surtout à faire du clic et donc à faire du fric. En France, qui crée de l'infox sur Internet et pourquoi ? Ce sont des raisons mercantiles ou des raisons politiques ou j'imagine les deux, ça dépend des cas. Alors, en France, on est quand même plutôt dans la dimension politique parce que aussi pour des raisons très business, qu'on est un petit marché, que le français n'est pas la langue la plus parlée dans le monde. Donc c'est beaucoup moins rentable de créer des fausses informations pour gagner de l'argent en France que ça ne l'est aux États-Unis où on a accès à un marché beaucoup plus vaste. Donc ce qu'on trouve en France et en français sont essentiellement des sites qui ont des visées politiques. Après, ça peut se doubler de tentatives de rentabiliser cet engagement. Mais la motivation principale, elle est à 99% des cas politiques. Voilà. Quels sont les sites majeurs en français qui sont connus pour diffuser non pas de l'info mais de l'infox? Ah bah le plus connu qui a fait encore récemment les titres des journaux, c'est Démocratie Participative, puisque c'est le premier site qui a été bloqué sur le territoire national sur une décision de justice en raison de son contenu, qui est un site à la droite de l'extrême droite. Là, on est quasiment dans du contenu néo-nazi, extrêmement antisémite, extrêmement raciste, et donc c'était une première. Le site a été bloqué par tous les fournisseurs d'accès en France sur décision d'un tribunal. Le 28 mars 2019, en tout récent, sur le plateau de l'émission C'est à vous, sur France 5, Ismaël Emilien, l'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, tentait d'expliquer son rôle dans l'affaire Benalla. On l'accuse d'avoir diffusé sur des comptes Twitter anonymes un faux montage censé dédouaner les violences d'Alexandre Benalla. On l'écoute. L'une des deux vidéos, l'une était celle d'une vidéosurveillance policière de la place de la Contrescarpe, illégale donc, et l'autre était mensongère, puisqu'on y voit un individu projeter des chaises sur les forces de police, mais il n'a rien à voir avec celui interpellé par Alexandre Benalla. C'est un problème. Ben j'en sais rien, je sais pas qui est ce monsieur, je sais pas si c'est celui-là ou pas. Vous ne savez pas si cette vidéo était mensongère? Ben non, pour moi elle ne l'était pas. Encore une fois, je suis désolé, mais d'abord on n'est pas venu pour parler de ça, pardon. Ça fait, je sais pas, 10 minutes sur une émission qui en fait 50. Pas loin. Non, ça fait pas 10 Donc, minutes. Je vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai dit aux policiers. J'ai pas rien à rajouter face à vous de plus que ce que j'ai dit à la police. Ça me paraît évident. Bon, le malaise et la colère de l'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron est palpable. L'infox, ça peut venir de partout, même de l'Élysée. Et d'ailleurs, ça pourrait ne pas être si nouveau que ça. Ah mais bien sûr. Et d'ailleurs, on voit, pour revenir aux États-Unis, les démocrates ont, entre guillemets, tiré des leçons, ou en tout cas tiré un certain nombre de leçons de ce qui s'est passé en 2016, parce qu'on a vu lors des campagnes des midterms qu'ils se sont aussi mis, dans certains États, à diffuser massivement des posts publicitaires sur Facebook qui étaient avec quelques petits arrangements avec la vérité, à mener des campagnes sales, entre guillemets, à la manière de celles que les Républicains avaient menées en 2016. C'est facile de dénoncer quand c'est le camp d'en face qui le fait, quand c'est son propre camp, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, les réseaux sociaux sont porteurs, presque par nature, de cela. D'abord parce qu'il y a la protection de l'anonymat. Mais c'est pas tout, c'est parce que aussi la structure des réseaux sociaux facilite la diffusion de la désinformation avec des algorithmes. Et ça c'est un vrai problème aussi. Alors tout à fait, parce que c'est un problème structurel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à partir du moment où ça génère une émotion, ça a beaucoup plus de chances d'avoir du succès et d'acquérir une viralité sur les réseaux sociaux. Et ça c'est vraiment construit en dur dans la manière dont ces réseaux sont pensés et organisés. C'est du coup extrêmement difficile d'en sortir. On a beaucoup parlé ces derniers mois et ces dernières années des questions de modération. Mais finalement, la modération, c'est pas forcément le problème principal, en tout cas en matière de désinformation, puisque on peut publier des choses qui sont partiellement fausses ou partiellement vraies. On va pas se mettre à supprimer tous les messages qui sont pas 100% vrais sur les réseaux sociaux. Sinon, on va pas s'en sortir. Oui. Par contre, est-ce que ces plateformes sont obligées de donner une visibilité, une viralité très forte par nature quasiment à ces messages qui sont faux ou qui cherchent à jouer sur les peurs et sur les émotions, ça c'est pas sûr. Mais ces plateformes ont-elles seulement conscience du rôle délétère qu'elles jouent dans la diffusion des fausses infos ? Alors elles en ont pris conscience. Mmh. Il y a eu une forme d'aveuglement, qui a duré assez longtemps jusqu'au lendemain de l'élection de Donald Trump où Mark Zuckerberg disait publiquement qu'il voyait absolument pas comment ce serait possible que Facebook ait joué un rôle dans les campagnes de désinformation, etc. Il a beaucoup changé son discours depuis et tout Facebook avec lui. Donc aujourd'hui, ils disent, on a pris conscience, on prend des mesures, on embauche des modérateurs, on met en place des protocoles de vérification, d'enquête, etc. Donc il y a une forme de prise de conscience. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas du tout pour enrayer un phénomène qui est quand même assez massif. Dans le cas d'un journal papier, ou à la radio, tiens, on donne une fausse information, alors par erreur, souvent, par erreur, et puis on tombe dans la diffamation, donc on passe en correctionnel, 17e chambre, enfin c'est un processus normal. Tout à fait. Donc pourquoi laisser un algorithme le pouvoir de choisir et pas passer devant la justice ? Parce que on est dans une zone de non-droit quand même. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est le droit français pour le coup est très bien fait dans ce cas et le cas de figure est prévu. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'internaute et non plus en tant que journaliste radio, oui, j'entends bien par rapport au droit, vous êtes responsable. Mais bien sûr, par rapport au droit, par rapport à la théorie du droit. Mais enfin, on a quand même beaucoup plus d'un fox sur Internet. Donc peut-être que le droit ne s'applique pas, j'aurais dû poser la question comme ça, plus précisément, autant, parce que donc c'est prévu dans les textes. C'est plus dur à faire appliquer, puisque c'est oui. Massif. Effectivement, si vous avez 1 million de personnes qui diffusent une information qui est diffamatoire, vous ne pouvez pas les faire toutes rentrer dans la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Donc il y a beaucoup de discussions au niveau politique sur ce point, pour savoir s'il faut simplifier des procédures, trouver des manières d'accélérer la manière dont ça se passe, ou au contraire trouver une manière plus simple de supprimer les messages avant qu'ils aient pu faire du mal ou créer un préjudice. C'est un débat qui est très loin d'être tranché, mais sur lequel on avance petit à petit, je pense. C'est-à-dire qu'on réfléchit dans ce pays comme dans d'autres à peut-être pas éradiquer le fléau, c'est difficile, mais faire en sorte qu'il y ait moins de conséquences. L'éradiquer, c'est impossible. Par contre, c'est possible de limiter son ampleur, et c'est plutôt dans cette direction-là que les gens réfléchissent. Damien Leloup, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes à la rubrique Pixel du journaliste, à la rubrique Pixel du journal Le Monde. Merci pour tous vos éclairages. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les fake news, l'infox plus précisément, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction fiction et recherche documentaire, Adrien Cara, Héloïse Daviau et Jeanne Mayer. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio et Lauriane Toulmont. Comédienne, comédien, lecture, Philippe Pirard, Cécile Ribaud-Cayol, Florian Wisterfait, Julien Large.